Ma chère Louise, Saint-Étienne, 15 août 1903. Ce que je préférerais, c'est que tu puisses te mettre en correspondance avec moi bien avant. Tu pourrais rester à Saint-Étienne bien un mois en faisant les environs. Saint-Chamond, Chambon, Firminy, la Ricamarie, Grand-Croix, etc., etc. Tu n'auras à t'occuper de rien, ni au point de vue des salles. Je m'engage à faire le nécessaire pour les affiches, salles et imprimeurs. Tu dois connaître le cœur des camarades de Saint-Étienne. Pour toi, rien ne fera défaut, et avec les sujets que tu traites, nous sommes assurés du succès devant leur actualité. Ma compagne, ainsi que mes gosses, t'embrassent de tout cœur, en attendant de pouvoir le faire nature. Au dépôt des fabriques pour colporteur, marchand forain et mercier. Une lettre extraite de « Je vous écris de ma nuit », correspondance de Louise Michel, 1850-1905. Venons d'écouter Luce Zurita, qui participe à la lecture musicale « Je vous écris de la nuit » avec Julie de Bélis, Emmanuel Dacosta, Cécile Théry et Juliette Bargès, dans le cadre de la quinzaine Louise Michel organisée à Saint-Étienne du 8 au 22 septembre. On est avec vous ce soir pendant deux petites heures avec une programmation musicale très féminine et féministe. On va vous proposer une plongée dans les idées féministes de Louise Michel à travers, vous verrez, différents genres de textes. Je vous propose tout de suite de commencer avec un texte comme un prélude de Nesrine Boukhadi Djalouli, qui est maîtresse assistante à l'Institut supérieur des langues de Tunis, de l'Université de Carthage. C'est un prélude au très beau livre de Xavier Gautier, qui s'appelait « On les appelait les pétroleuses », paru en 2021. L'histoire de la Commune de Paris est l'histoire d'une insurrection populaire qui, malgré sa brièveté, de mars à mai 1871, a renversé l'ordre politico-social de l'époque et a captivé la plume de bon nombre d'écrivains, d'historiographes, de chercheurs et de critiques. Au XIXe siècle, quand les communards ont décidé l'émeute et que la révolution s'est proclamée et a commencé à se propager rapidement dans tout Paris, les femmes ont pris place dans les événements. Elles se sont engagées et se sont jetées au cœur de la bataille, corps et âme, suant eau et sang. Elles ont choqué la bienséance. Contre toute attente, insouciantes de ce qu'on pourrait penser d'elles, elles se sont placées sur le devant de la scène, défendant le peuple, le pays, la cause de l'insurrection. Toutefois, leur militantisme n'était pas apprécié des anticommunards, non seulement parce qu'elles s'étaient rangées du côté de la commune, mais parce qu'elles étaient d'abord des femmes, défiant au passage les us et coutumes, fruits d'un héritage socioculturel. Pour leurs contemporains, elles n'étaient que des prostituées, des femmes vivant en union libre, des femmes légères, des malades. La communarde devint ainsi une véritable hydre obscène, sadique, hystérique et cruelle. Frénétique, elle terrifiait par son jusqu'au boutisme effréné, allant selon la rumeur jusqu'à tenter de mettre le feu dans tout Paris, ce qui lui a valu le surnom de pétroleuse. Louise Michel, considérée comme l'une des pétroleuses de l'insurrection, a suscité mon vif intérêt, comme tout ce qui touche d'ailleurs à la condition féminine et à son évolution dans le monde. En effet, elle ne fut pas seulement une communarde, elle fut le chantre de la Révolution, l'emblème du militantisme féminin en France et en Europe. Elle a essayé par tous les moyens de contester et d'imposer sa notoriété. En tant que Tunisienne, j'ai été travaillée par son engagement, surtout que la Tunisie est jugée comme le pays arabe pionnier dans les droits de la femme. J'y trouve beaucoup de similarités avec tout ce qui s'est passé au lendemain de la révolution du jasmin en janvier 2011, grâce à laquelle nous avons vu naître une nouvelle génération de femmes débattant de leur inclusion dans la vie politique et réclamant l'égalité des sexes, lasse d'être le second sexe, toujours écarté et réprimé. On vient d'écouter The Savages pour le titre Husband et on enchaîne avec un autre extrait de Xavier Gautier. Les pétroleuses dans la Commune de Paris de 1871. Qui sont les pétroleuses? L'écrivain Alexandre Dumas répond: nous ne dirons rien des femelles de communards par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. En 1871, les communards se sont soulevés contre la classe possédante parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur misère et de leur écrasement. Une oratrice résume bien cette grande colère populaire. La plaie sociale qu'il faut fermer, c'est celle des patrons qui exploitent l'ouvrier et s'enrichissent de ses sueurs. Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. Quelle est la situation des femmes du peuple en France sous Napoléon III ? Les pauvres filles qui manient l'aiguille gagnent seulement 2 francs pour une journée de 13 heures, alors que de riches bourgeoises peuvent s'offrir une robe à crinoline d'une valeur de 10 000 francs. Pas de paye les dimanches, les jours fériés ou en cas de maladie. Se loger dans une mansarde, se chauffer avec une chaufferette, s'éclairer avec une mèche trempée dans l'huile, il reste à peine de quoi se nourrir. Injustice capitale. Les femmes gagnent moitié moins que les hommes. Injustice des us et coutumes. Une fois revenues au logis, les femmes passent la moitié des nuits pour réparer les vêtements de la famille. Elles vont aussi porter au lavoir leur linge à couler pour aller le laver le dimanche matin. En plus des tâches ménagères, ce sont encore les femmes qui prennent soin des enfants et des vieux parents. La situation des prolétaires français était encore pire en 1870, pendant le siège de Paris, quand la ville est encerclée par les Prussiens. Dans l'hiver glacial, les Parisiennes font la queue devant les boulangeries pour essayer d'acheter un peu de pain mélangé à de la paille moisie, et devant les boucheries, où on leur propose du rat, des chats, des chiens, des brochettes de moineaux. Dans leur souffrance, dans leur humiliation, les gens comprennent qu'ils sont bernés par ceux qui les gouvernent. Dès le 4 septembre, les Français sont tellement en colère contre leur empereur incapable qu'ils le destituent et proclament la République. On se sentait une puissance de vie énorme, écrit Louise Michel dans La Commune. Il semblait qu'on fût la Révolution même. La République, c'était comme une vision de rêve. Mais le rêve est de courte durée. Elle comprend vite que c'est une parodie de République où les dirigeants sont aussi lâches et aussi tyranniques que sous l'Empire. Le 31 octobre 1870, une énorme manifestation a lieu devant l'hôtel de ville. Les gens sont patriotes, ils sont humiliés par la défaite. Et parmi eux, de plus en plus nombreux sont ceux qui réclament la Commune, à la place des dirigeants réactionnaires, voire royalistes ou bonapartistes, qui composent la Chambre des députés. La Commune, cela veut dire un vrai gouvernement du peuple par le peuple. Le 7 janvier 1871, le comité central des 20 arrondissements, sorte de contre-pouvoir au gouvernement, placarde une affiche sur tous les murs de Paris. Cette affiche rouge dénonce l'incapacité du gouvernement et lance un appel à la Commune, le premier. De nouveau, le 22 janvier, la foule, chauffée par les discussions des clubs et des comités de vigilance qui se sont multipliés ces derniers mois, sort en masse. L'hôtel de ville est protégé par la garde rapprochée du gouvernement, les mobiles bretons. Sur ordre, ils canardent la foule, méthodiquement. Certains gardes nationaux sont armés et ripostent contre les mobiles bretons. Des manifestants tirent aussi. Louise Michel, habillée en homme, se sert pour la première fois d'un fusil. Aucune hésitation, aucune peur, aucun regret. De nombreuses femmes sont présentes pour la plupart. Elles réclament surtout du pain. Ce jour-là, la foule doit se retirer. La véritable insurrection va se produire moins de 2 mois plus tard. Nous allons écouter... Nous allons écouter la chanson sur Louise Michel de Pauline Floury et Séverin Vallière. Personnelle, l'image du renoncement, le moi n'existe plus en elle, son être est tout au dévouement. Pour ce cœur vaste et secourable, ivre de solidarité, le seul air qui soit respirable, c'est l'amour de l'humanité. On la condamne, elle le défie, son juge féroce et pourri. Qu'importe à qui se sacrifie, le poteau noir de sa torie. À ses bourreaux, près de la tombe, elle parle fraternité. Que lui fait la mort? Elle tombe pour l'amour de l'humanité. On la déporte, elle ne souffre que pour ce près d'elle blotti. Combien doit pleurer dans ce gouffre, le père éloigné des petits. Captive Auguste, elle ne pense qu'aux frères en captivité. Leurs blessures, elle les pense pour l'amour de l'humanité. On l'amnistie, elle se lève et revient le front calme et doux. Grave et lente, sa voix s'élève et son cœur parle parmi nous. de son repos, faisant litière, bravant le pouvoir irrité. Elle se donne tout entière pour l'amour de l'humanité. On l'emprisonne comme au bagne, elle règne par la douceur, la proxénète et sa compagne, la prostituée et sa sœur, de la voleuse elle est complice, aux froides sœurs de charité. Elle parle de la justice pour l'amour de l'humanité. Une brute sur elle tire, bien mieux qu'Aubertin sur Ferry. Mais loin de poser au martyr, elle s'arrête et puis sourit. C'est à moi qu'on me l'abandonne, de grâce qu'il soit acquitté. Il s'est trompé, je lui pardonne, pour l'amour de l'humanité. Plus d'un la traite en vrai jocrisse, d'hystérique journellement, crétin folle de sacrifice, hystérique de dévouement. Écrivain aux longues oreilles, jadis plus tard que souhaité, beaucoup d'héroïnes pareilles pour l'amour de l'humanité. Pour l'amour de l'humanité. Pour l'amour de l'humanité. Je vous propose de continuer avec un extrait des mémoires de Louise Michel. Chapitre 10. L'être, comme la race, monte et s'épanouit en feuilles et en fleurs. Pareils aux fruits verts, nous ne serons bons qu'à engraisser le sol, mais ceux qui viendront après nous porteront semences pour la justice et la liberté. La sève qui monte, à notre époque de transition, est puissante. L'évolution au lent travail est achevée. Il faut que la chrysalide crève la vieille peau. C'est la révolution. Salut à l'humanité libre et forte qui ne comprendra pas comment si longtemps nous avons végété, pareils à nos aïeux des cavernes, ne dévorant plus la chair les uns des autres, nous ne sommes plus assez forts, mais dévorant leur vie. Si la révolution qui gronde sous la terre laisser quelque chose du vieux monde, ce serait toujours à recommencer. Elle s'en ira donc pour toujours la vieille peau de la chrysalide humaine. Il faut que le papillon déploie ses ailes, qu'il sorte saignant de sa prison ou qu'il crève. Salut à la race au sang chaud et vermeil, en qui tout sera justice, harmonie, force et lumière. Dans ces temps-là, on prendra tout pour la ligne droite, au lieu de chercher pour tout des millions de détours. Et les petites lueurs tremblotantes qu'on prend pour des étoiles, et qui sont à peine des vers luisants, disparaîtront dans la clarté du jour. Quelle débâcle, mes amis, dans toutes les vieilles boîtes à erreurs. Nous serons balayés dans cette poussière-là. Tâchons au moins que ce soit le moins bêtement possible. Quand le tourbillon de poussière a disparu, il ne reste plus qu'un amas de cendres sur lequel, pareils à des couronnes de cimetière, gisent des branchages verts, les dernières pousses du vieil arbre entraînées par le reste. Les myriades d'insectes qui se multipliaient là depuis des siècles sont ensevelis dans l'effondrement. Quelques-uns, remuant péniblement la cendre, regardent étonnés, inquiets, le jour qui les tue. Leurs espèces nées dans l'ombre ne soutiendront pas la lumière. Ainsi, nous habitons le vieil arbre social que l'on s'entête à croire bien vivant, tandis que la moindre souffle l'anéantira et en dispersera les cendres.

on la laisse rêver dans une ignorance profonde à des choses qui ne lui feraient nulle impression si elles lui étaient connues par de simples questions de botanique ou d'histoire naturelle. Mille fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers mille choses qui la troublent. Tout ce qui est une question de science ou de nature ne trouble pas les sens. Les Anglais font des races d'animaux pour la boucherie, les gens civilisés préparent les jeunes filles pour être trompées. Ensuite, ils leur en font un crime et un presque honneur aux séducteurs. Quel scandale quand il se trouve de mauvaises têtes dans le troupeau. Où en serait-on si les agneaux ne voulaient plus être égorgés? Il est probable qu'on les égorgerait tout de même, qu'ils tendent ou non le cou, qu'importe, il est préférable de ne pas le tendre. Quelquefois, les agneaux se changent en lionne, en tigresse, en pieuvre, c'est bien fait. Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas de marché où l'on vend dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot? L'une la prend qui veut, l'autre on la donne à qui veut. Esclave est le prolétaire, esclave entre tous est la femme du prolétaire. Et le salaire des femmes? Parlons-en un peu. C'est tout simplement un leurre, puisqu'étant illusoire, c'est pire que de ne pas exister. Pourquoi tant de femmes ne travaillent-elles pas? Il y a deux raisons. Les unes ne trouvent pas de travail, les autres aiment mieux crever de faim dans un trou si elles peuvent, au coin d'une borne ou d'une route, si elles n'ont plus d'abri, que de faire un travail qui leur rapporte tout juste le fil qu'elles y mettent, mais rapporte beaucoup à l'entrepreneur. Il y en a qui tiennent à la vie. Alors, poussées par la faim, le froid, la misère, attirées par les drôles ou drôlesses qui vivent de ça, il y a des vers dans toutes les pourritures, les malheureuses se laissent enrégimenter dans l'armée lugubre qui traîne de Saint-Lazare à la morgue. Tenez, quand une misérable qui barbote dans la fange prend dans la poche d'un pente, comme elles disent, plus qu'il ne lui donne, tant mieux. Pourquoi y allait-il ? S'il n'y avait pas tant d'acheteurs, on ne trafiquerait pas sur cette marchandise. Et quand une honnête femme, calomniée ou poursuivie, tue le drôle qui la pourchasse, bravo ! Elle débarrasse les autres d'un danger, elle les venge. Il n'y en a pas assez qui prennent ce parti-là. Si les femmes, ces maudites, qui, même suivant Proudhon, ne peuvent être que ménagères ou courtisanes, elles ne seront pas autre chose dans le vieux monde, sont fatales souvent. À qui la faute? Et qui a, pour son plaisir, développé leur coquetterie et tous les autres vices agréables aux hommes? Une sélection s'est faite de ces vices-là à travers les temps. Cela ne pouvait être autrement. Ce sont des armes maintenant, armes d'esclaves, muettes et terribles. Il ne fallait pas les mettre entre leurs mains. C'est bien fait! Partout, l'homme souffre dans la société maudite, mais nulle douleur n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. Dans les couvents où elle se cache comme dans une tombe. L'ignorance l'étreint, les règlements la prennent dans leur engrenage, broyant son cœur et son cerveau. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût. Dans son ménage, le fardeau l'écrase. L'homme tient à ce qu'elle reste ainsi, pour être sûr qu'elle n'empiétera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. Rassurez-vous encore, messieurs, nous n'avons pas besoin du titre pour prendre vos fonctions quand il nous plaît. Vos titres, ah bah, nous n'aimons pas les guenilles. Faites-en ce que vous voudrez. C'est trop rapiécé, trop étriqué pour nous. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Vos titres, le temps n'est pas loin où vous viendrez nous les offrir pour essayer par ce partage de les retaper un peu. Gardez ces défroques, nous n'en voulons pas. Nos droits, nous les avons. Ne sommes-nous pas près de vous pour combattre le grand combat, la lutte suprême? Est-ce que vous oserez faire une part pour les droits des femmes quand hommes et femmes auront conquis les droits de l'humanité? Ce chapitre n'est point une digression. Femmes, j'ai le droit de parler des femmes. c'était Violeta Parra, Arriba Quemando el Sol. Je vous propose un extrait tiré des mémoires de Louise Michel, qui nous livre ici sa vision du mariage. On a bien assez des tortures des pauvres mères sans multiplier par le mariage les liens de famille. Oui, il faut alors n'être que des combattants. Il est vrai qu'il m'était possible de penser ainsi, puisque ceux qui m'avaient demandé en mariage m'auraient été aussi chers comme frères que je les trouvais impossibles comme mari. Dire pourquoi, je n'en sais vraiment rien. Comme toutes les femmes, je plaçais mon rêve très haut. Et outre la nécessité de rester libre pour l'époque de la lune suprême, j'ai toujours regardé comme une prostitution toute union sans amour. Le souvenir de deux êtres ridicules qui, se suivant comme des oies ou des spectres, m'avaient l'un après l'autre demandé à mes grands-parents dès l'âge de 12 à 13 ans, m'eût éloigné du mariage si je ne l'eusse été déjà. Le premier, véritable personnage de comédie, voulait faire partager sa fortune, qu'il faisait sonner à chaque parole comme un grelot, à une femme élevée suivant ses principes. Il était un peu tard pour prendre cette méthode après tout ce que j'avais lu. L'animal. On eût dit qu'il avait dormi pendant une ou deux centaines d'années et venait nous réciter cela à son réveil. On me laissa répondre moi-même. J'avais justement ce jour-là lu avec mon grand-père dans la vieille édition de Molière. Le prétendant me faisait si bien l'effet du tuteur d'Agnès que je trouvais moyen de lui glisser à propos une grande partie de la scène où elle dit « Le petit chat est mort ». Je lui avais même répondu cela mot à mot. Il ne comprenait pas. Alors, en désespoir de cause, je le regardais, bien en face, et avec la naïveté d'Agnès, je lui dis effrontément « Monsieur, est-ce que l'autre est en verre aussi ?» Il avait un œil de verre. Mes parents me semblèrent un peu gênés. Lui, de l'œil qui n'était pas en verre, me lança un regard venimeux. Il n'avait plus envie de faire de moi sa fiancée. À cette époque, je grandissais beaucoup. Ma robe était très courte, j'avais un tablier plein de déchirures et mon filet à crapaud passait dans la poche. Je regrettais de n'en avoir pas quelques-uns à faire passer adroitement dans la sienne. Mais il n'y eut pas besoin de cela. Il ne revint pas. Molière m'inspira également pour le second de ces cocasses individus. Ils ne se connaissaient pas, je crois, et pourtant les deux faisaient la paire. Même idée de se choisir une fiancée toute jeune et de la faire répétrir comme une cire molle pendant quelques années avant de se l'offrir en holocauste. Avez-vous remarqué combien d'êtres vont deux à deux, trois à trois, pareils aux astres qui gravitent les uns autour des autres ? Ces deux étoiles doubles avaient quelque chose de fantastique, mais le rire en détruisait l'impression. Celui-là, je lui tins à peu près ce discours. Vous voyez bien ce qui est là au mur ? C'était une paire de cornes de cerf. Eh bien, je ne vous aime pas. Je ne vous aimerai jamais. Et si je vous épousais, je ne me gênerais pas plus que Madame Georges Dandin pour vous en porteriez 100 000 pieds plus haut que cela sur votre tête. Il ne revint jamais, persuadé que je lui disais la vérité. Mais on me demanda d'être une autre fois plus réservée en citant les vieux auteurs. À quelque temps de là, mon grand-père, revenant dans la voiture du messager de Bourmont, rencontra un troisième maniaque, qui lui dit en montrant Vaucourt. Vous voyez bien ce vieux Niara ? Oui, eh bien. Il y a là un vieux bonhomme qui élève ses petits-enfants pour le bagne et l'échafaud. Ah, vraiment ? Oui, monsieur. Dernièrement, mon ami X a proposé d'épouser la petite drôlesse dans quelques années, si on dirigeait son éducation comme il l'entend. Eh bien ? Eh bien, on l'a laissé répondre ce qu'elle a voulu. Elle a dit des choses si horribles que mon ami ne veut pas les répéter. Si j'avais une fille comme ça, je la ferai mettre en maison de correction. Une petite drôlesse qui n'aura pas un sous-vaillant. Eh bien, où allez-vous ? Je prends le chemin de Vroncourt. C'est moi qui suis le vieux bonhomme. Et dire qu'il y a de pauvres enfants qu'on eût forcés d'épouser un de ces vieux crocodiles. Si on eût fait ainsi pour moi, je sentais que lui ou moi,

Nous venons d'entendre un chant géorgien intitulé Eyamoli qui parle du mariage forcé. Et maintenant, des poèmes de jeunesse de Louise Michel. Vent du soir, que fais-tu de l'humble marguerite? Mer, que fais-tu des flots? Ciel du nuage ardent. Oh, mon rêve est bien grand et je suis bien petite. Destin, qu'en feras-tu de mon rêve géant? Lumière, que fais-tu de l'ombre taciturne? Et toi, qui de si loin l'appelles près de moi? Ô flamme, que fais-tu du papillon nocturne? Songe mystérieux, que feras-tu de moi? La chanson du vagre. Dans la nuit profonde, bon vagre, où vas-tu? Par le vent qui gronde, haillons vêtus. Par le vent qui gronde, vieux vagre, où vas-tu? Voyez la potence là-bas, paysan. La bise y balance de blancs ossements. Voyez la potence là-bas, paysan. La torche et l'aurore font rouge le jour. Leur reflet colore la haine. Et l'amour, la torche et l'aurore font rouge le jour. Avec les vagues sous la houle, les temps présents, les temps passés, se mêlent et viennent en foule, montant au cœur à flots pressés. Et tout ce qui vit sur la terre, et tout ce qui dort sous les eaux, lève le voile du mystère et parle avec la voix des flots. Thank you. Nous venons d'écouter une pièce de la pianiste et compositrice Mel Bonis, qui est contemporaine de Louise Michel, qui s'appelait Phoebe. Je vous propose de continuer avec un extrait d'un ouvrage de Sidonie Ferhage, qui s'appelle « Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste ». En décembre 1880, un fait divers est relaté par Le Gaulois. Le sieur D et sa femme rentraient chez eux la nuit dernière vers 2h du matin après avoir copieusement réveillonné chez des amis. Le couple suivait les bords du canal Saint-Martin en continuant une discussion des plus vives. « Je te dis que Louise Michel a raison et que toutes les fois qu'elle ne... Je te dis que Louise Michel a raison et que toutes les fois qu'elle fera une conférence, j'y assisterai. » « Et moi, je te dis que je ne veux pas. » « Et moi, je te dis que j'y assisterai malgré toi. » « Ah ça, suis-je ou non le maître ?»« Non, tu n'es pas le maître. Et quoique je ne sois qu'une faible femme, je connais mes droits. Je te dis que Louise Michel a... »« Un mot de plus et je te fiche à l'eau. » Tu es bien trop lâche pour cela. Au même instant, D prenait sa femme par la taille, la traînait jusqu'au bord du canal et aurait infailliblement noyé cette fervente admiratrice de Louise Michel si les gardiens de la paix, attirés par ses cris, n'étaient pas arrivés juste à point pour retenir la malheureuse femme par ses jupes. Avec ce fait divers, on aperçoit la pénétration de Louise Michel dans un rapport quotidien en politique, jusque dans la sphère familiale. Une autre anecdote, 20 ans plus tard, confirme ce constat. Madame Veuve Coggia, 72 ans, 21 rue des Gardes, se présentait l'autre soir au commissariat de Monsieur Monanteuil, lui déclarait se nommer Louise Michel, avoir mis le feu à son appartement et s'être empoisonnée avec de la strychnine. Louise Michel est devenue une figure politique du quotidien, apparaissant au travers des anecdotes et des faits divers. Les images qui lui sont associées dans l'imaginaire collectif, l'incendie, le poison, témoignent de la construction du sens autour de cette personnalité. Oui, barbare, je suis. Oui, j'aime le canon, la mitraille dans l'air. Dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons, amis dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons. La grandeur de la poudre qui se mêle à l'encens. Ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perce ses dents. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons, amis dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Venons d'écouter « La danse des bombes », un texte de Louise Michel sur une musique de Michel Bernard. Maintenant, une lettre des correspondances de Louise Michel. Adressée à l'exposition internationale des arts et métiers féminins pour juin 1902 à Paris. Aux fondatrices. Certainement, oui, votre œuvre est belle, très belle. Au-dessus des noires illusions de la politique, au-dessus des sauvageries féroces du vieux monde, vous allez vers l'idéal réel, l'art qui sera un jour bientôt peut-être le souffle de l'humanité. Vous allez dans l'inconnu, appelant à vous les femmes, ces passionnées des entreprises héroïques, à la conquête du beau. Elles entendront l'appel, car d'un bout à l'autre de la terre, elles sont de tout, chaque groupe, chaque femme même, pressant corps à corps les monstres qui menacent le berceau des temps nouveaux. La guerre, la misère, l'ignorance et le plus horrible de tous, les marchés de chair humaine, la traite des femmes. Vous arrivez à votre heure, c'est bien. Tout ce qui surgit s'unit, se complète comme les notes d'un accord. Tout se peut dans le mouvement des êtres et des groupes, enveloppés, emportés ensemble par le progrès dans l'immense envolée de la légende nouvelle. La plupart, ne se connaissant même pas, se complètent, s'harmonisent, s'amalgament, comme les nébuleuses qui forment les mondes. Nous sommes bien à la naissance d'un monde, le monde humain. Les femmes n'y seront pas oisives, depuis celles qui se dévouent aux universités populaires de Paris, aux écoles du soir de Londres, où a lieu un admirable mouvement, celles qui écrivent ou qui enseignent les petits-enfants ou soignent les malades. Les femmes sont, en ce moment surtout, emportées par une véritable passion du bien et du grand. Leur œuvre se consolide par une agrégation du travail de toutes, comme les molécules d'un corps, ou si l'on veut, l'œuvre des coraux bâtissant les archipels dont le grand océan est constellé. Dans l'emportement général, les femmes surtout jettent à l'abîme à mesure qu'ils croulent les débris du féroce passé. Quand la montagne horrible du passé, qui depuis si longtemps glisse lentement, s'effondrera, ce sont les femmes qui auront déblayé le plus de routes vers l'avenir. Oui, vous faites bien, et c'est l'heure. Car tout cherche sa route à soi. Partout se lèvent des primitifs, regardant en avant. Il y a dans les groupements populaires des poètes, n'ayant jamais appris les rudiments dans leur propre langue, qui tout à coup émerveillent par quelques pensées magnifiques exprimées en un rythme étrange. Des peintres qui, ne sachant rien des éléments du dessin ou de la couleur, trouvent des effets dont vous restez hantés, des voix inexpérimentées trouvant des mélopées magiques. Ils ne savent pas, ils ne copient pas, ils sont l'amour du beau, le rêve de l'art et l'on pense longtemps. Les yeux pris, l'oreille prise, le cœur pris à des choses étranges, à des tableaux merveilleux, aux chants qui charment la douleur auxquels croyait le Moyen-Âge. Oui, vous faites bien, par ce printemps du siècle, à l'aurore d'une époque, d'appeler les femmes vers les arts. Assez longtemps elles ont été misérables entre les misérables, parmi les troupeaux humains, qu'elles se vengent en faisant belle la terre pour l'humanité plus haute qui nous succédera. Louise Michel, Londres, 22 mars 1902. Après cette très belle lettre, on vous propose une petite pause musicale avec Kazay, Je lutte, suivie de la musique Europe is Lost du dramaturge Kay Tempest. Ils nous guettent, ils nous mentent, ils nous tourmentent, ils nous tuent, ils nous mentent. Ils nous abattent, ils nous insultent, ils nous mentent, ils nous tourmentent, ils veulent nos têtes, ils nous tuent. Dans la rue, ils nous abattent, ils nous mentent. Ils veulent nos têtes. Ils veulent nos têtes. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, parce qu'on me rejette. Mais sur ma route, enquête puis écoute. Et qu'on y ajoute des coups de tête et puis des coups de latte. Donc mate tous ces coups de pute en fait que l'on goûte. Et nos défaites ici sont à la fête. Parfaites en somme pour inspirer la crainte. Donc rien n'arrête les batailles que je décrète. Même si les flammes des émeutes sont éteintes. Moi, ce prototype que l'on tape. L'archétype de la sale gueule dont on flippe. Et qui ne franchit jamais aucune étape. Sans qu'on me palpe du scalp jusqu'au slip. J'écope de la perpète. Entre les parfums où mon histoire se répète. Tu sais la répression ici est comme un pit. Brut et en rut, elle ne te rate pas, il se précipite. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Sur moi, ils lâchent la meute. Ils veulent mater les pommades et promettent de

En 1883, Louise Michel, Jean-Joseph Émile Pouget, Eugène Mareuil sont accusés d'avoir été les instigateurs du pillage des pains appartenant aux époux Augereau, boulangers. Troisième procès, manifestation de l'esplanade des Invalides, extrait de la Gazette des Tribunaux. Cour d'assises de la Seine, présidence de Maître Ramé, audience du 21 juin 1883. Boucher Jules, boulanger rue des Canettes. Le 9 mars, vers 1h de l'après-midi, une vingtaine d'individus ont envahi ma boulangerie. Ils étaient armés de cannes plombées et demandaient « du pain ou du travail ?» Je leur ai dit « si vous voulez du pain, prenez-en, mais ne cassez rien. » Reconnaissez-vous l'accusé ? Non, monsieur. Avez-vous laissé prendre votre pain parce que vous ne pouviez pas faire autrement ? Il n'y avait moyen de rien faire. Toute résistance était impossible. Était-ce des enfants qui sont entrés chez vous ? Non, monsieur. C'était des gens raisonnables. Louise Michel. Les gens armés de cannes plombées n'étaient pas des nôtres. Je sais bien d'où ils viennent. D'où venaient-ils donc ? De la police. Femme Augereau, boulangère, rue du Four Saint-Germain. J'ai vu, dans l'après-midi du 9 mars, Madame Louise Michel s'arrêter devant ma porte. On a crié « Du pain ! Du pain !» Ces messieurs sont entrés et ont volé du pain et des biscuits. Ils ont cassé une assiette et deux carreaux. Était-ce des gamins qui ont pillé votre boutique ? Oh, il y avait plus de grandes personnes que de gamins. Mais où était Louise Michel pendant qu'on pillait ? Elle était plantée, juste au milieu de la rue. Est-ce volontairement que vous avez donné votre pain ? Oh non, monsieur. Combien y en avait-il ? Je ne puis pas vous dire, mais il y en avait beaucoup. C'était un véritable pillage. Fille Augereau Rosalie, rue du Four Saint-Germain. Le 9 mars dernier, nous avons vu arriver une bande à la tête de laquelle il y avait une femme avec un drapeau noir. Arrivée devant chez nous, elle a frappé terre avec son drapeau. Quelqu'un a dit « Allez !» On a envahi la maison et tout a été pillé. Voilà le second témoin qui vous a vu arrêter devant la boutique, Louise Michel. Je ne puis prendre ces dépositions-là au sérieux. Je ne puis, devant des hommes sérieux, discuter ces choses-là. Est-ce une voix de femme qui a dit « Allez ?» Oui, monsieur. Y avait-il d'autres femmes dans la foule ? Je n'en ai pas vu. Morisset, boulanger, boulevard Saint-Germain, 125. Le 9 mars dernier, j'étais couchée quand ma petite fille est venue me réveiller. Il y avait du monde plein la boutique. J'ai vu une femme qui s'en allait avec un drapeau noir. Femme Morisset, boulangère, boulevard Saint-Germain, 125. Le 9 mars dernier, la foule s'est amassée devant ma boutique. Elle avait à sa tête Louise Michel. Cette dernière s'est arrêtée devant chez moi, a frappé la terre de son drapeau et s'est mise à rire. Ils demandaient du pain ou du travail. Je me suis mise à leur donner du pain, mais ils n'ont pas tardé à le prendre eux-mêmes et à tout casser. Qu'en pensez-vous de cette déposition ? Est-elle nette ? Tellement nette que je n'ai jamais rien vu de pareil. Comment ai-je pu rire ? Madame l'a complètement rêvé. Je suis ici pour dire ce que j'ai vu. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais je suis libre de dire que vous l'avez rêvé. Ce n'est pas librement que vous donniez votre pain à ces gens-là ? Non, monsieur, c'est qu'ils arrivaient avec des gestes effrayants. Ils criaient « du travail et du pain !» Oh, ils étaient bien effrayants. J'étais aussi bien effrayante. Ces dames étaient complètement hallucinées d'effroi. Elles regardaient Louise Michel comme une espèce d'hydre. Cornat, officier de paix du 6e arrondissement. Le 9 mars dernier, apprenant qu'une bande parcourait l'arrondissement en poussant des cris séditieux, je vais à la poursuite et je l'atteignis place Maubert. La bande était dirigée par Louise Michel, ayant à ses côtés Pouget et Mareuil. J'arrêtai ces deux derniers et Pouget me traita de lâche et de canaille. Quant à Louise Michel, elle put s'esquiver. Tous ces gens-là criaient « Vive la Révolution ! À bas la police !» Louise Michel ne vous a-t-elle pas dit quelque chose ? Elle m'a dit « Ne me faites pas de mal !» Blanc, gardien de la paix du 6e arrondissement. Le 9 mars dernier, un gardien est venu prévenir l'officier de paix qu'on pillait une boulangerie rue des Canettes. Nous nous sommes mis à la poursuite de la bande et nous l'avons atteinte place Maubert. Monsieur l'officier de paix a arrêté Louise Michel qui lui a dit « Ne nous faites pas de mal, nous ne demandons que du pain !» Pouget a traité monsieur l'officier de paix de « lâche » et de canaille. Mareuil criait « À bas la police !» Ah bah Vidocq, vive la révolution sociale! Les assaillants avaient des cannes plombées. Je n'ai jamais dit ne nous faites pas de mal, mais seulement on ne vous fera pas de mal. Tous ces messieurs étaient dans le plus grand trouble. Il n'y avait pas que vous de sang-froid ? Nous en avons tant vu. Je proteste pour l'honneur de la Révolution. J'ai bien le droit de relever les variations des témoins. Je ne me suis jamais prosternée devant personne. Je n'ai jamais demandé grâce. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez. Vous pouvez nous condamner, mais je ne veux pas que vous nous déshonoriez. Homme de l'homme d'Eli, Dali femme d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, homme de l'homme d'Eli. Dali femme d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, homme de l'homme d'Eli. Dali femme d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, homme de l'homme d'Eli. Dali femme d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli, Dali femme d'Eli, d'Eli. Dali dans les flammes et l'homme qui lit, qui dit la femme d'Eli. Dali loin des fleurs du mal, hors des flammes du lit. Lali d'homme défile et puis l'homme défile l'âme des femmes en cavale. Depuis l'antique literie, pourrit le reste des rebelles dans le linceul de la grand-mie. De la vestale à l'immorale, il n'y a qu'un pas, pourtant elle boite dans ses bras. Aube marine, c'est elle qui tangue et se débat. Son port d'attache est comme une ancre dans le bassin poreux vous noie. Il est des jours où l'on ne sait pas comment ni pourquoi. L'antique sonnet ne charme plus, la moule à son rocher n'est plus. Quitter le port, nourrir la rime, viser le phare, braver l'abîme. Sœur, mère, épouse ou concubine, il existe une voie d'où peut jaillir un hymne dont les braises encore chaudes ne laissent pas de chanter. Et la mousse encore tiède ne laisse pas de danser. À l'heure du bal, péché nuptial, Dali détale et met les voiles. Ciao Ulysse ! De nos ébats, peu de caresses, trop de calices, il y a des côtes moins revêches. Délire du grec et ses alliés, on l'a maudit. Elle avait qu'à bien manier l'épée. Ainsi la femme d'Eli, prise en flagrant délit, n'est plus la femme dédiée, mais bien la femme des filles. Dali sonne le glas, délite en bloc le glaive. Un délit de fuite, ils disent. Dali s'élit, c'est tout. Dali s'élit libre. Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali, délire. Yeah, délire, délire, délire. Yeah, délire. Délire. Délire. Yeah, yeah. Délire. Délire. Délire. Délire. Homme. Homme. Yeah, yeah, délire. Délire. Yeah, délire. Délire. Délire. Yeah, délire. Délire. Délire. Yeah, yeah. Délire. Délire. Délire. Nous venons d'écouter Femme d'Elie de la compositrice et interprète Leila Martial. Lettre dite à Junius. En fait, c'est un droit de réponse à une lettre qui a été écrite, ce fameux Junius, qui est en fait le pseudonyme de trois hommes de lettres qui écrivaient dans le Figaro. Et voilà ce que leur répond Louise Michel. J'ai toujours vu qu'un journal, quel qu'il soit, ayant attaqué une classe quelconque de la société, se faisait un devoir d'insérer les réponses de ses adversaires. J'aime à croire que le Figaro agit ainsi. Si M. Junius parle au nom des hommes de lettres en général, on peut bien répondre au nom des femmes de lettres. Allons, messieurs, un peu de courtoisie. Traitons, si vous voulez, de cabotine toutes les femmes qui se sentent assez de cœur pour le faire palpiter dans un livre. Tandis que, suivant M. Junius, parlant au nom de tous les littérateurs, la femme ne doit être qu'un parfum qui s'évapore pour disparaître aussitôt, sans doute afin qu'on ait la facilité d'en changer plus souvent, car ce qui est évaporé ne gêne pas. C'est plus oriental et surtout plus commode. Mais vous n'avez donc ni mère ni sœur. Du reste, qu'importe, écrivez ce que vous voudrez, mais ne parlez pas tout seul, comme ceux qui craignent d'être réfutés. Vous avez raison, monsieur Junius. Une femme auteur offre sa vie en pâture à la foule, car de son livre, elle pourrait dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et qu'en fait la foule? Vous le savez. Mais de temps en temps, un malheureux, abandonné de tous, ouvre ce livre. Il se croit moins misérable. N'est-ce pas là une sublime récompense pour toutes les douleurs de cette femme? Écoutez-la, bas bleu, mes sœurs. Sacrifions notre jeunesse, notre temps, notre bonheur, ne reculant devant n'importe quelle épreuve dans l'espérance de faire un peu de bien. Oui, travaillons avec courage. Quelques éclaboussures qu'on nous jette en passant sont bien peu devant l'œuvre que nous avons à accomplir, nous autres femmes qui savons mourir et consoler et pardonner. Puisque nous en sommes au chapitre des regrets, les hommes regrettent, dit M. Junius, d'avoir appris à écrire aux femmes. Moi, je regrette que ceux qui se croient forts attaquent celles qu'ils croient faibles. Je désirerais, je l'avoue, un peu de bravoure dans la littérature. Attaquez qui vous voudrez, messieurs, mais ouvertement, avec l'épée, à la bonne heure, mais à bas le poignard et les masques. Lettre de Louise Michel au ministre, centrale de Clermont, dimanche 15 novembre 1884. Monsieur le ministre, je n'ai que ma mère au monde. Si je pouvais élever la voix, mes plus cruels ennemis demanderaient pour moi, vu les circonstances présentes, un transfèrement immédiat à Paris, puisque d'un instant à l'autre, elle peut doublement m'être enlevée. Je ne demande ni visite, ni lettre dans la prison où on me mettra. Je n'aurai pas d'extraction si l'on veut, mais je serai à Paris, respirant le même air, et ma mère me sera là. C'est vivante et non morte qu'elle peut éprouver ce bonheur. Recevez l'assurance de mon respect. Louise Michel. Xavier Gautier, dont je vous écris de ma nuit, a patiemment recherché toutes les lettres que Louise Michel a écrites ou reçues de 1850 à 1904. Elle a ainsi retrouvé la correspondance entre Victor Hugo et Louise Michel qui s'étale sur près de 30 ans. Je vous propose un extrait d'une de ses lettres de jeunesse. Lettre 6. Merci, oh merci mille fois. C'est du bonheur, au milieu de toutes mes peines, de me réfugier en vous comme dans un autre monde. Je ne vous écrirai pas souvent, mais de bien longues lettres, où je vous enverrai toute mon âme. Si j'ai cru que vous ne me répondiez pas, c'était sans vous accuser. Hugo, je croyais à la fatalité. Je désespérais même de Dieu, et il semblait qu'il devait me maudire, parce qu'en doutant de lui, j'avais foi en vous. Merci encore. N'importe ce qui m'arrive, si je vous le confie, je souffrirai moins. Qu'importe la distance entre nous, mon âme est un rayon de la vôtre et je laisse courir ma pensée sans m'inquiéter. Pardon de ne pas vous écrire avec plus de respect, mais avec vous, ces mots glacés me font mal. Et puis, moi qui ne vous verrai jamais, pourquoi me serait-il défendu de vous le dire, Hugo ? Vous comprendriez qu'un prisonnier aimât le seul rayon de soleil qui brillerait dans sa solitude. Laissez-moi vous dire tout ce que je pense, comme si vous étiez là, devant le foyer et dans le fauteuil vide de ma grand-mère, vos mains dans les miennes, ainsi que nous restions de longues heures, le soir, elle et moi. Avez-vous éprouvé, parfois, de ces instants où l'âme brise le corps ? C'est ainsi que je mourrai, et alors je serai bien heureuse, je la reverrai. Et si Dieu me donne des ailes, je veillerai sur vous. Dites-moi si vous avez éprouvé de ces pensées qui dévorent et qu'on ne comprend pas. Ce doit être la langue du ciel ou celle de l'enfer. On ne le sait que dans le tombeau. Tout me semble comme un rêve, mais c'est peut-être le rêve qui est la vie. J'en suis venue à douter de tout, même de la réalité et de l'existence. J'écrirai quelques pages de ma vie, mais pour vous seul. Tout ce que je vous dirai ne sera qu'entre Dieu et nous. Et vous comprendrez pourquoi j'ai cru à la fatalité. Et pourquoi, quand un nom magique a brillé dans ma nuit, j'ai crié vers lui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vous dirai tout cela. Il m'est impossible de suivre une idée, et ces pensées que je ne puis démêler me déchirent. Il me semble que mon front se brise pour les laisser s'envoler, et je ne trouve pas mes paroles pour vous écrire. Hugo, ne m'oubliez jamais. Dites-moi que vous pensez à moi. Lors même que cela ne serait pas, dites-le-moi. Pour finir cette programmation musicale, on vient d'écouter un extrait d'Hélène de Mongeroux, l'étude numéro 99 en do mineur. Hélène de Mongeroux qui est morte un petit peu avant la naissance de Louise Michel, mais qu'on a choisi aussi parce que elle a sauvé sa vie devant le tribunal révolutionnaire en improvisant sur la Marseillaise, divinement bien a priori. On vous propose de conclure ce temps ensemble en revenant à Xavier Gautier et à la conclusion de son livre évoqué au début de ce temps. On les appelait les pétroleuses. Arrestation et condamnation. Quand elles n'ont pas été sommairement massacrées, 1051 femmes sont arrêtées et déférées au Conseil de guerre. Les prisonnières doivent suivre une longue file, à pied, jusqu'à Versailles, sous les quolibets et les coups d'une foule déchaînée. Céleste Ardouin, institutrice au rôle effacé durant la Commune, arrêtée devant ses élèves et accusée d'avoir commandé une barricade avec 5 mitrailleuses, raconte le calvaire de ces femmes, transies de froid, affamées, épouvantées, menacées du sabre des officiers à cheval. Puis elles sont parquées et dorment par terre ou sur des bottes de paille. On grouillait là-dedans avec un bruit d'écrevisse dans une odeur de sang, d'urine et de sueur, parmi les poux, des puces et des cafards. Nous avions toute la colique, témoignera Madame Noro, qui avait pour seul tort d'être mariée à un garde national. Une femme accouche, d'autres font des fausses couches, plusieurs deviennent folles. Les gardiens les battent, coups de corde à la volée, coups de pied dans le ventre, jusqu'à ce que je m'évanouisse. Au moindre soupçon de révolte, elles sont attachées à un pilier, les mains derrière le dos. Les conseils de guerre les ont souvent condamnées, parfois lourdement, pour vol et pillage ou pour être juste une femme d'une immoralité révoltante et d'opinion très exaltée. Il y eut des non-lieux, mais aussi des condamnations à la prison, à la déportation dans une enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane, et même des peines de mort, qui furent toutes commuées en déportation grâce à l'intervention de Victor Hugo. Le plus extraordinaire, c'est qu'aucune femme n'a été condamnée pour avoir jeté du pétrole. Je cite « Quant aux pétroleuses, c'était des êtres chimériques, analogues aux salamandres et aux elfes. Les conseils de guerre ne parvinrent pas à en exhiber une. » On est en droit de se demander si ce qui a pesé le plus lourd dans les condamnations n'est pas le verbe, le cri séditieux, bien plutôt que les actes. On leur dénie l'appartenance à l'espèce humaine. « Accusez, levez-vous » dit le président. Un mouvement se fit au banc hideux des pétroleuses et quelque chose d'informe et de grelottant vint s'appuyer contre la barre, écrira Alphonse Daudet. Elles sont des monstres, des sorcières. Au début du XXe siècle, dans son journal destiné aux bourgeoises, La Nouvelle Mode, sont évoquées les navrantes et lugubres sorcières qui aiment à Louise Michelet sous les faisceaux des torchons rouges. On leur dénie l'appartenance au sexe féminin. On leur dénie la faculté raisonnante. Le journal de Genève du 13 mars 1883 réunit les deux grandes leaders dans une même réprobation. Si la révolution se fait, on pourra bien l'appeler la révolution des femmes, car elle aura été conduite par deux mégères de distinction, Louise Michel et Paul Mink. Je ne sais trop qui est la plus folle de ces spécimens du beau sexe. On a voulu décrédibiliser chacune de ces femmes en les déclarant bonnes pour le cabanon, c'est-à-dire l'asile psychiatrique. Les caricatures de l'époque attaquent les laiderones furibardes et les mégères qui ont mis Paris à feu et à sang. Elles ravalent ces femmes engagées au rang d'animal sauvages et abjectes, avec leurs mamelles pendant lamentablement. On a voulu les assimiler à des prostituées, aux tenues et aux conditions indécentes, des pétroleuses messalines. Pourtant, lorsqu'on voit les photos des soi-disant pétroleuses prises par Appert à la prison des chantiers, on est frappé par leur dignité et par leur pudeur. Des cols boutonnés jusque sous le menton, des vêtements de deuil très stricts, des cheveux sagement retenus en chignon ou enfermés dans une résille. Les caricatures ont occulté la mémoire du travail politique et humanitaire accompli par les communeuses, qui pourtant représentent le premier mouvement de masse féminin et égalitariste, qu'on peut dire féministe. Check, come in.